Tu dois aimer, petit homme. C'est Jésus-Christ qui me l'a dit. Tu dois souffrir, pauvre môme. C'est pourquoi Dieu t'a mis ici. Ton père est parti, petit homme. Tous les pères partent un jour. Ta mère jouit d'un nouveau royaume. Tu vivras aussi pour l'amour. Tu dois marcher, petit homme, de tout ton poids, de tout ton cœur. Tu dois tomber, pauvre môme, pour écraser toutes les peurs. Ton chagrin te tient, petit homme, pour te rappeler le bonheur. Dans chaque main, dans chaque paume, tu peux en goûter la saveur. Tu dois aimer, petit homme, de tout ton cœur, toute ton âme. Tu dois prouver, pauvre môme, ce qui te tient, ce qui te dame. La vie nous entraîne, petit homme, dans les désirs, les rires, les larmes. La vie se voile lorsqu'on la nomme, pour ses gloires, ses guerres et ses drames. Tu dois voir en toi, petit homme, ce qui est droit, ce qui est beau, même si tu dois.